sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Vous écoutez La Dernière Porte à Gauche. Bonjour et bienvenue à l'émission La Dernière Porte à Gauche, émission qui vous présente, comme d'habitude, une heure de musique toute francophone. Aujourd'hui à l'émission, ça va être assez peinard, ça va être assez tranquille comme émission, pas énormément de découvertes à faire. Ce que je peux vous dire à propos de l'émission, c'est qu'il va y avoir un petit bloc néo-rap hip-hop, parce que cette semaine, dans les palmarès, soit il y a quelques minutes si vous écoutez en direct, ou sinon la semaine dernière, ou dans une certaine rediffusion des palmarès, donc on s'est amusé à faire un petit bloc inspiré des robots. Donc je continue l'exercice dans l'émission aujourd'hui, on va entendre du porno-robot. Porno-robot qui sont d'ailleurs les auteurs, compositeurs du thème de l'émission que vous venez juste d'entendre, sauf pour la voix, c'était la mienne. Mais c'est ça, sinon on va entendre une pièce complète de porno-robot, ça va être Vibrateur Pharmacie, ça va être un petit peu plus tard dans l'émission, et puis aussi dans ce bloc-là qui va être assez électro-dansant, néo-hip-hop, ou je sais pas trop comment le décrire. Il va avoir du Obscene Kids, qui font vraiment dans le style TTC et Omnichrome, vraiment à fond. C'est très, très ressemblant. On va quand même en écouter une pièce. C'est nouveau, ça vient d'arriver assez fou. On va se taper ça un petit peu plus tard dans l'émission. Et il va aussi avoir, à travers tout ça, il va avoir dans ce bloc-là, il va avoir Chambre 22, parce que je vous l'avais promis la semaine dernière à l'émission. Si vous avez écouté l'émission, je vous avais parlé de Chambre 22. Et puis, je ne l'ai pas fait jouer finalement parce que j'ai manqué de temps, parce que finalement, j'ai choisi de faire passer Zouk Daddy Yod avec la pièce Faut pas taper la nounou. Mais bon, je me reprends cette semaine. Et puis, c'est aujourd'hui qu'on va entendre Chambre 22 à l'émission La Dernière Porte à Gauche. Et puis à travers tout ça, il va y avoir plein d'autres musiques que vous êtes habitués d'entendre assez fou. Et on va commencer ça tout de suite d'ailleurs avec le groupe La Baroque Machine et leur dernière pièce, qui était un simple qu'on a reçu, qui était supposé être, j'imagine, le prémisse ou l'agace, le teaser à un album complet. Mais on n'a toujours pas reçu de nouvelles de La Baroque Machine. Mais on a toujours cette pièce, ce simple qui s'appelle La Saveur du Mois. Et on l'écoute tout de suite pour commencer l'émission. Alors voilà, on écoute ça tout de suite à La Dernière Porte à Gauche sur les ondes de C'est Fou, 89.1 FM. s'en ira manger un autre repas. Le spécial de la maison est bon et chaud, puisqu'on a battu le fer à coups de marteau. We'll be right back. Pierre Arthur, c'est ce qu'on vient d'entendre dans ce début d'émission assez tranquille, assez relax, avec la pièce Qui sait. Vraiment de bonne reprise, hein, parce que si on écoute juste la musique, on n'écoute pas les paroles, On pourrait vraiment pas se douter, je pense que c'est impossible de se douter que c'est une reprise de Daniel Lavoie. C'est vraiment les paroles qui nous rappellent clairement la pièce. Sinon, ouais, très bonne reprise musicale pour cette pièce-là de Marie-Pierre Arthur. Et vous savez, Marie-Pierre Arthur est assez bien entourée. Je comprends un peu plus maintenant aussi tout le buzz qu'il y a autour de Marie-Pierre Arthur, le buzz qu'il y avait avant même que sa musique commence à jouer, avant même qu'elle soit connue. C'est que oui, c'est peut-être à cause de son entourage à Marie-Pierre Arthur, parce que l'album a été réalisé et la musique a presque tout été composée par François Lafontaine de Carquois. Louis-Jean Cormier, chanteur de Carquois, aussi a participé pas mal à l'album. Même on a une participation de Michel Rivard, Patrick Watson. Donc, très bon entourage pour cette jeune dame, Marie-Pierre Arthur, et le résultat est assez bon. Je m'y fais de plus en plus, je l'aime de plus en plus, cet album-là de Marie-Pierre Arthur. Juste avant Marie-Pierre, ce qu'on avait entendu, c'était la pièce « Marcher au parc ensemble » de Carl-Éric Hudon, une autre très bonne pièce, extrait de son album « Contre le tien, Anana Bongolov ». Et l'émission avait commencé avec « Saveur du mois » de Baroque Machine. Maintenant, on va augmenter un peu l'intensité de l'émission. On va sortir un peu de ce début tout relax, tout doux. Et on va aller écouter une pièce de La Patère Rose, ça s'appelle « L'Amarelle ». On écoute ça tout de suite à la dernière porte à gauche, raison de C'est fou, 89.1 FM. C'est quoi ? de bébé venait de grandir tout d'un coup. Le soir, l'expérience plus lourde que la paille. Devant, magnifiquement, dans les frais, à l'épreuve, sans parents, sans parents, sans parents. Ces gens, allongeant, défonçant, c'est sa base, déchirant, ça que je fasse. Et du play, et triplay, quoi de réplay? L'enfant, le laissant, que vous pour le fond, l'enfant à moi. Seulement le fond, alors pas à moi. Seulement le fond, alors pas à moi. C'est Pepper Tree avec la pièce Affiche-moi. Pepper Tree vont être en spectacle à Montréal la semaine prochaine. J'en ai parlé récemment, je sais plus trop où. Mais avec Éléphantine et Les Incendiaires, ça va être un très, très bon spectacle. C'est à l'hémisphère gauche à Montréal. Mais aussi, Pepper Tree ont participé au Francouverte cette année et ils ont passé en demi-finale. Donc, parce que là, la ronde préliminaire est terminée. Donc, on sait maintenant le nom des 9 groupes qui vont passer en demi-finale. Je peux même vous les nommer. C'est le duo Ben et Mimi, Chantal Archambault, Les Soins-Ports de l'Est. Non, c'est pas du tout cette liste. C'est plutôt Ariel, Francis d'Octobre, Dialect, Hôtel Morphée, Ben et Mimi, Pepper Tree, Lac Estion, Mademoiselle Giraffe et Simon Leduc. C'est les 9 artistes ou groupes qui vont passer en ronde demi-finale des Francouvertes. Donc, Pepper Tree en fait partie. Vitement comme ça, c'est pas mal le groupe qui m'intéresse le plus parmi les semi-finalistes. Mais bon, vous savez que moi, mes groupes sont déjà éliminés. Ils ne font pas partie des demi-finalistes parce qu'il y en avait vraiment, il y avait vraiment de très, très bons groupes dans dans l'édition totale, dans la ronde préliminaire des Francouvertes. Mais bon, c'est souvent le cas. Ça se passe sur la scène en un soir. C'est une performance qui décide si le groupe passe ou pas. C'est pas ce qu'ils ont fait avant et c'est surtout pas l'appréciation qu'ils ont de Kiwan de l'émission La Dernière Porte à Gauche. Donc, voilà pour les Francouvertes et Pepper Tree. Juste avant eux, on avait entendu le groupe Saveur Marmelade, un groupe pas très connu, qui n'ont pas eu énormément de succès, mais ont eu une pièce qui s'est retrouvée déjà sur le palmarès francophone ici à C'est Fou. C'était Bombe au chlore. Mais celle qu'on a entendue il y a quelques minutes, c'était plutôt Dolce Vita du groupe Saveur Marmelade. Et le bloc avait commencé avec la pâte à rose et la pièce Lamarelle. Maintenant, on fait une petite pause, mais de l'autre côté, un bloc électro, trash, rock, slash, hip-hop et tout ce que vous voulez avec Chambre 22, Obscene Kids et Porno Robot. Après la pause. Vous êtes toujours à l'émission La Dernière Porte à Gauche en compagnie de Kiwan. Il reste encore presque une demi-heure à l'émission. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, je veux continuer un peu une thématique qu'on a commencé dans les palmarès cette semaine, un petit bloc robot. Donc, il va y avoir dans le prochain bloc, ce sera pas une grosse thématique, là, c'est juste une pièce qui va souligner finalement, qui va être un clin d'œil au bloc robot qu'on a fait dans les palmarès, dans la dernière édition des palmarès. Donc, il va y avoir là-dedans du porno robot, qui est un groupe vraiment pas très connu, mais bon... dont une des pièces est le thème de l'émission ici. Ça va être dans pas très longtemps. Au travers de ça, il va y avoir du Obscene Kids, mais on commence ça tout de suite avec la pièce Touche-toi du groupe Chambre 22. Quand t'es seul dans la douche, en public après les cours, centre-ville de Kaboul, touche-toi parce que c'est cool. Oui tu peux, oui tu dois, fais quelque chose de tes 10 doigts. C'est un jeu, c'est la loi, allez vas-y touche-toi. Oui tu peux, oui tu dois, fais quelque chose de tes 10 doigts. C'est un jeu, c'est la loi, allez vas-y touche-toi. Touche-toi, bien comme il faut, baisse-toi. Moi tu sais comment faire, t'as pas besoin de mes commentaires. Touche-toi, bien comme il faut, baisse-toi. À mon niveau, montre-moi, tu sais comment faire, t'as pas besoin de mes commentaires. Touche-toi, touche-toi, dès que l'occasion se présente. N'oublie jamais cette grande puissance, devant, derrière, une grande jouissance, dans n'importe quelle circonstance. Touche-toi, dès que l'occasion se présente. N'oublie jamais cette grande puissance, devant, derrière, une grande jouissance, dans n'importe quelle circonstance. Touche-toi, si on t'insulte, au mouvement, on vous recule. Touche-toi, à la maison, sans raison. Touche-toi, sans façon, c'est louche, quoi. Touche-toi, touche-toi, sans façon, c'est louche, quoi. Touche-toi, touche-toi. Touche-toi, t'es comme il faut, baisse-toi. Montre-moi, tu sais comment faire, t'as pas besoin de mes commentaires. Touche-toi, t'es comme il faut, baisse-toi. Montre-moi, tu sais comment faire, t'as pas besoin de mes commentaires. Que tu as vu, pose la main sur ton touche-toi. Fille, tu voles, écoute le pilote, pose une main sur ta touche-toi. Quand j'aime beaucoup les actrices, j'ai une main sur mon touche-toi. J'adore quand les filles le font, mettez vos mains sur vos tontons. laisse-toi à mon niveau. Montre-moi que tu sais comment faire, t'as pas besoin de mes commentaires. Touche-toi bien comme il faut, baisse-toi à mon niveau. Montre-moi que tu sais comment faire, t'as pas besoin de mes commentaires. Donne-moi ton ASV, donne-moi tes mensurations. Que fais-tu dans la vie? Quelle est ta profession? Moi je suis un hobby kid, j'écoute tes confessions. Est-ce que tu as une photo? Tu m'as l'air sympathique. Donne-moi ton numéro, LOL pathétique. MSN, je te trouve trop sexy sur tes photos obscènes. Avoue que je suis sexy, mec, tu haïs ma musique. Ça tombe bien, je te trouve stupide, pour moi c'est juste physique. Tu veux pas me voir à mes shows à part sur webcam? Allez, montre-moi c'est qui ma jolie MySpace friend. S'il te plaît, tu m'as adé en te disant ma top scene, il me plaît. Allez, ouvre ta cam, prouve-moi que t'es une fan. Et toute une pas, une toute pousse, fais voir le 16 de tes faux fonds. On n'a rien à voir ensemble, à moins que ta copine soit béote. Tu me dis L-O-L, je te dis c'est qui elle. La fille derrière toi sur la webcam, elle est donc bien belle. C'est ta soeur, dis-lui que tu connais un très bon masseur. Je ne suis pas un casseur de cœur, qu'elle n'ait pas peur. Je sais qu'ils sont idiotes, mais c'est que je les aime. Bah, je les aime, je leur parle pour mon et mes scènes. Et mes sœurs, et mes sœurs, et mes sœurs, et mes sœurs, et mes sœurs, et mes sœurs, et mes sœurs, et mes sœurs, et mes sœurs, et mes sœurs, et mes sœurs, et mes sœurs, et mes sœurs, et mes sœurs, et mes sœurs, et mes sœurs, et mes sœurs, et mes sœurs, et mes sœurs, et mes sœurs, et mes sœurs, et mes sœurs, et mes sœurs, et mes sœurs, et mes sœurs, et mes sœurs, et mes sœurs, et mes sœurs, et mes sœurs, et mes sœurs, et mes sœurs, et mes sœurs, et mes sœurs, et mes sœurs, et mes sœurs, et mes sœurs, et mes sœurs, et mes sœurs, et mes sœurs, et mes sœurs, et mes sœurs, et mes sœurs, et mes sœurs, et mes sœurs, et mes sœurs, et mes sœurs, et mes sœurs, et mes sœurs C'était vraiment un bloc qu'on pourrait appeler élévation de l'esprit. Ouais, c'était vraiment très cérébral comme musique, si on l'a entendu, entre la prose très recherchée de Chambre 22 et de Obscene Kids, qui font vraiment là très très dans l'air du temps, là, absolument rien de très original et pas de quoi fouetter un chat, comme on dit. Chambre 22, ça ressemble énormément au groupe Numéro. Et puis Obscene Kids, eux, ressemblent pas mal à Omnicrom. Peut-être pas tant la pièce qu'on a entendue, elle ou elle, mais sinon, en général, Obscene Kids fait beaucoup dans le Omnicrom, TTC, tout ça. Mais quand même, c'est quand même drôle, des fois, de se taper un petit bloc du genre. Et c'est ce qu'on a fait, l'air de rien comme ça. Et puis ce qu'on vient juste d'entendre, c'est Vibrateur Pharmacie de Porno Robot. Voilà, pas grand-chose d'autre à dire sur Porno Robot, je pense. Maintenant, histoire d'essayer très naïvement de regagner tous les auditeurs qu'on a perdus dans les 10 dernières minutes, on va se taper un petit bloc un petit peu plus écoutable, un petit peu plus populaire, disons. Je dirais pas écoutable, parce que moi, j'ai aimé le dernier bloc, mais ça va être certes plus populaire. Donc, on va écouter dans ce bloc-là, il va y avoir une pièce de Malajube, et on va commencer tout de suite avec Vanesse Pariétaire et la pièce Vanesse Pariétaire, qui est vraiment une très bonne pièce. On l'écoute tout de suite, et pour ceux que ça a déplu d'entendre des grossièretés comme Vibrateur Pharmacie, Touche-toi et autres obscénités, ben désolé. Et maintenant, ben Vanesse Pariétaire. Don't C'était Manageable qu'on vient d'entendre avec la pièce L'école en bol, qui a fait son entrée la semaine passée, je pense, dans les palmarès francophones assez fou. Et c'était ce qui terminait l'émission La dernière porte à gauche pour cette semaine. Juste avant ça, je vous rappelle qu'on avait entendu Vanesse Pariétaire avec la pièce Vanesse Pariétaire. Donc, moi, je vous retrouve la semaine prochaine, jeudi 16h pour Respecte les Dauphins. Aussi, vendredi 20h pour La dernière porte à gauche et à quelque part dans les palmarès les vendredis soirs et les mercredis. Ou à quelque part là-dedans. Donc, c'est ça, si vous écoutez en direct les vendredis soirs, c'est les très avisés lutins de l'enfer qui s'en viennent. Et on va se laisser avec une pièce instrumentale du Roi Poisson, qui s'appelle le Saloon. Et je vous dis bonne semaine, bye bye.